Chapitre 3e. En réponse à d'autres questions du magistrat, elle persista à déclarer qu'elle n'avait jamais vu l'accusé. Peut-être n'avait-il été que l'intermédiaire. Les lettres en question étaient toutes écrites à la machine, mais signées Armand de la Trémouille, et la signature était absolument identique à celle des lettres reçues par elle du même individu des années auparavant et qu'elle avait conservées. Il ne vous est jamais venu à l'idée, demanda le magistrat avec un sourire, que ces lettres puissent provenir d'un faussaire. « Pardon, mais cela est impossible, » répliqua-t-elle d'un ton net, « car personne n'était au courant de mon union avec le comte de la Trémouille. Comment, si loin de l'endroit où a eu lieu ce mariage, aurait-on pu être aussi informé? En outre, si quelqu'un avait connu le comte assez intimement pour imiter sa signature à s'y méprendre et pour faire allusion à son détail connu de nous deux seulement, pourquoi ce quelqu'un aurait-il attendu plus de 10 ans avant de pratiquer ce chantage ? Ce raisonnement était en effet très juste. La première audience s'en tint là. Le docteur Mellish, sur la vive insistance du magistrat, déclara que son patient pourrait venir déposer le surlendemain, à condition qu'on ne le gardât pas dans la salle d'audience plus d'une demi-heure. Vous vous imaginez aisément quelle fut l'affluence le surlendemain. Acteur, auteur dramatique, romancier, gens de loi, etc. s'étaient battus pour obtenir des places. Madame Horton était absente quand l'accusé entra, absolument tranquille, et s'assit. Monsieur Morton, pâle, amaigri et les yeux cernés, appuyé au bras de son médecin, arriva bientôt. On lui donna un fauteuil, et le magistrat, après quelques mots de bienvenue, lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter à sa déposition écrite. Sur la réponse négative de Monsieur Morton, il ajouta « Veuillez regarder l'accusé et me dire si vous reconnaissez la personne qui vous conduisit à la chambre meublée et vous y laissa ligoter et bâillonner. » M. Morton se tourna vers le prisonnier, le regarda, lui fit un petit signe de reconnaissance et répondit « Non, ce n'est certainement pas lui. Je connais ce gentleman, je l'ai rencontré parfois à Brighton et dans la cité, mais ce n'est pas mon agresseur. »« Vous êtes sûr ?» demanda le magistrat, tandis qu'un murmure de stupéfaction courait dans la foule. « Je jure que ce n'est pas lui, » déclara M. Morton. « Vous jurez que ce n'est pas lui ? Comment donc est l'homme qui vous a attaqué ? Grand, mince, basané, brun, avec de gros sourcils et une barbe courte, parlant l'anglais avec un très léger accent étranger. » Le prisonnier, gros, court et rougeau, ne répondait en aucune façon à ce signalement. L'accusation chancelait. Elle s'écroula tout à fait quand M. Matthew Keller, l'avocat de M. Skinner, fit comparaître 4 témoins qui déclarèrent, sous serment, qu'à 9h45 le matin du 17 mars, l'accusé se trouvait dans le train express de Brighton à Victoria. Cet alibi précis, venant après la déposition de M. Morton, eut pour résultat la mise en liberté immédiate de M. Edward Skinner. Ici, le lecteur est prié d'interrompre sa lecture et de chercher lui-même le coupable.